Et notre randonnée avec toi est désormais une histoire d'amour, divin amour, accompli de saints glorieux dans la vie de ceux qui s'approchent de toi, tête inclinée, ma âme répandue, pour recevoir la part que seul Dieu peut donner. Je t'aime, Seigneur. Divin amour, je trouve en toi la joie de mon âme qui s'ouvre à toi. Jardin de tes délices.